franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénon. L'idée paraissait évidente. Puisqu'il existait en Algérie deux organisations indépendantistes rivales, il était tentant d'attiser leur compétition et pourquoi pas d'essayer de se rapprocher de l'un de ces mouvements pour mieux lutter contre l'autre. C'est ce qu'ont pensé certains dirigeants français, civils et militaires, alors que dans les années 56-57, le conflit fratricide entre le MNA et le FLN devenait chaque jour plus meurtrier, tant en Algérie qu'en métropole. Sur le terrain, c'est Jean Combette, le capitaine d'une SAS, une section administrative spécialisée, qui a pris l'initiative de nouer un contact avec un chef militaire emblématique du MNA, Mohamed Bellounis. L'occasion lui paraît favorable. Les messalistes, c'est-à-dire les militants du MNA, sont affaiblis face au coup de boutoir du FLN. Bellounis lui-même, qui commande encore une troupe de 800 maquisards, est aux abois. Retranché près du bourg de Mélouza, aux confins de la Kabylie et du Constantinois, il vient d'accepter un rendez-vous clandestin avec le capitaine Combette. L'amorce d'une nouvelle alliance? Mais un obstacle inattendu contrarie cette rencontre. Cependant, le contact n'est pas rompu. Toutefois, un événement tragique, un véritable massacre, va précipiter l'évolution politique de Bellounis. Monsieur X poursuit son récit entamé la semaine passée. ملال داك واث وخا مثل ما شاهو تسلم يا لا لا يا لا ولالم داك وثوخام يا لا لا يا لا لا لا وثما شاهو تسلام صدق اللي انت بورد بابين وبا بابين وبا جنجن تيز بقاثيني ما يلي غريب غاها وكل الوحش الغابة Rendez-vous avec X. Mélouza Indouar, de la tribu des Benny Hillman, d'abord acquis aux messalistes, a basculé du côté du FLN après une spectaculaire opération de représailles conduite par le lieutenant-colonel Arlou. Mais assez rapidement, les villageois excédés par l'autoritarisme des chefs locaux du FLN ont tourné kazakh et même tué des militants frontistes. Ouais, et le FLN, vous le disiez la semaine passée, ne pouvait pas ne pas réagir. D'autant que les dirigeants de la Vilaya 3, Amirouche et Saïd, sont réputés pour être impitoyables. Il est donc décidé d'intervenir à Mélouza et d'en profiter pour débarrasser la région de la présence du MNA. Une première fois, des moudjahidines du FLN montent vers Mélouza. Toutefois, les hommes de Bellounis s'interposent. Les hommes du FLN doivent sortir. Et vous le disiez, ça a été une vraie humiliation. Oui, donc la vengeance attendra, mais elle sera d'autant plus féroce, car le chef de la Vilaya 3, Mohamedi Saïd, est foudrage. Il lui faut absolument punir ces Benny Hillman qui ont choisi de revenir vers le MNA et ont même assassiné quelques-uns des siens. Par conséquent, ce sont des traîtres, des diviseurs qui font le jeu de la France. Quand passe-t-il à l'action alors ? Saïd a ordonné à l'un de ses adjoints, un certain Abdelkader Bakiri, alias Sahoun, de former une troupe importante. Et dans la nuit du 27 mai 1957, ce sont 350 moudjahidines fortement armés qui montent vers le douar de Mélouza. Tous ont reçu des consignes strictes. En cas de riposte, tous les hommes doivent être exécutés. Assassinés, donc. À 8h du matin, l'alerte est donnée lorsque les premiers moudjahidines sont repérés sur des collines avoisinantes. À l'affolement succède la mobilisation. Quelques hommes de Bellounis présents dans le douar commencent à organiser la résistance. Eux, ce sont des combattants aguerris, mais les autres hommes du douar, là... Ce sont des villageois, des civils, si vous voulez, et qui sont donc désarmés. En tout cas, les premiers coups de feu claquent. Jusqu'à midi, les moudjahidines sont tenus à distance. Mais les assiégés ont épuisé leurs munitions. Le dernier défenseur est abattu à l'entrée du village. La force reste à l'ALN. Ouais, l'ALN, l'armée de libération nationale, qui est la branche armée du FLN. Aussitôt, les maquisards investissent les lieux. Les hommes sont sortis des gourbis où ils ont trouvé refuge, à coups de crosse. Les femmes, les enfants hurlent. La population masculine est rassemblée sous la menace des fusils et des mitraillettes. Il lui est ordonné d'emprunter un sentier de chèvres qui conduit au hameau de Meshta Kasba, à l'extérieur du village. Pourquoi là ? Le lieu n'a pas été choisi au hasard. C'est là que Bellounis établit son QG lorsqu'il se trouve dans la région. Ouais, un lieu symbolique donc. Et un signe envoyé à Bellounis, c'est certain. Les femmes et les enfants présents dans le hameau ont été préalablement chassés de cette dizaine de petites maisons basses situées dans un décor aride de rochers. À 14h, la colonne des hommes de Mélouza arrive dans la Meshta. Les hommes sont entassés dans les gourbis. Et aussitôt, les tueurs entrent en jeu. Une vraie folie sanguinaire. C'est-à-dire Maison après maison, les moudjahidines massacrent. Au couteau, au fusil et même à coups de pioche. Ça hurle, ça gémit, c'est l'horreur. Un véritable ruisseau de sang coule au milieu du hameau. Y a-t-il une forme de résistance quoi ? Quelques hommes essaient de se sauver, mais la plupart des fuyards sont abattus d'une rafale de mitraillette. Une demi-heure plus tard, tout est fini. Des dizaines de corps jonchent le sol en terre battue des maisons. Plus tard, on en comptera presque 350. Quand le silence tombe enfin sur le hameau, des moudjahidines incendient certains gourbis. Puis, tous fuient et regagnent leur maquis dans les forêts ou les grottes de la région. Ouais. Et ils rendent compte à leur chef. Saïd et Amirouche, oui. Ils expriment leur satisfaction. La punition a été exemplaire. Ouais. Et que se passe-t-il ensuite, alors ? Un avion de reconnaissance de l'armée française repère les incendies. Le capitaine Combette, chef de la SAS, la plus proche de Mélouza, est alerté. Escorté d'une quinzaine de soldats, il atteint le bourg en début de soirée et trouve une population féminine terrorisée qui peine à lui expliquer ce qu'il s'est passé. Et dans l'urgence, l'officier choisit d'abord de s'occuper des blessés qui se trouvent à Mélouza. Il ne sait donc pas encore que les hommes ont été massacrés dans une meshta extérieure? Non, car il attendait des renforts. Il ne se rend donc à Meshta Kaba que le surlendemain. La puanteur est effroyable et le spectacle est difficilement soutenable. Cependant, malgré l'horreur qui le saisit, le capitaine Combette réalise vite l'exploitation qui peut être faite de ce massacre. Une telle cruauté ne peut que soulever l'indignation générale. Ouais, j'imagine qu'en haut lieu, à Alger, informé par le capitaine, on doit tenir le même raisonnement. C'est évident. Et très vite, un voyage de presse mobilisant plusieurs hélicoptères est organisé. Magistrats et généraux accompagnent ces journalistes qui viennent du monde entier. Et déjà, les autorités françaises ont décidé du scénario. Il n'est pas question d'évoquer la rivalité entre le MNA et le FLN. Si les habitants de Mélouza ont été sauvagement massacrés, c'est qu'ils avaient choisi de rallier la France. Ouais. Et d'accuser, bien sûr, les rebelles algériens d'avoir perpétré cette horreur. La suite immédiate est un peu anecdotique et ne prêche guère en faveur du sens de l'humanité de certains de vos confrères, mon cher. Les journalistes sont invités à grimper jusqu'à la meshta du massacre. Au milieu des maisons règne toujours un relent de putréfaction. Mais les cadavres ont été enterrés à cause de la forte chaleur, ce qui suscite la protestation des photographes. Ah oui, pas d'image spectaculaire à faire. Heureusement, reste dans les ruelles ce sang caillé qui macule le sol et les murs et témoigne de la réalité du massacre. Ouais. Bon. Est-ce que la version française des événements convainc la presse? Oui, elle est largement reprise par les journaux nationaux et internationaux. Le gouvernement français y trouve de nouvelles raisons de conduire sa guerre contre les Felagas. Rétroactivement, Bellonis va lui-même apporter sa caution à ce combat. J'y viens dans un instant, mais voyons d'abord comment on a réagi du côté du FLN. Est-ce que l'organisation indépendantiste a compris que son image a été durement ternie? Bien entendu, il faut donc opérer un contre-feu. Par le biais de sa radio basée au Caire et de ses publications clandestines, le FLN rejette toute responsabilité dans le massacre. Bien au contraire, il soutient que les hommes de Mélouza ont été assassinés par la soldatesque coloniale et ses harkis qui se sont ensuite livrés à une misérable mise en scène. Et l'organisation indépendantiste et ses alliés des pays arabes d'exiger une enquête internationale. Donc le FLN nie. Et cela demeurera, et longtemps encore après l'indépendance, la version officielle du FLN. Et plus tard du gouvernement algérien. Contre toute évidence, car avant d'accuser l'armée française, la rébellion s'était trahie. La Vilaya 3, commandée par le redoutable Mohamedi Saïd, avait publié un tract à destination des Beni Hilaman où on disait à peu près ceci. « Ces exécutions ont débarrassé notre région des traîtres et apportent un soulagement à tous les Algériens dignes de ce nom. » Et si je comprends bien là, ce tract qui était un aveu de culpabilité, hein, a été ensuite soigneusement mis sous la table par la direction du FLN. Et après, le vent de la propagande a emporté cet aveu qui avait dangereusement échappé à ses auteurs. Une parenthèse ici. Au début des années 90, à l'occasion du tournage d'une série télévisée sur la guerre d'Algérie, j'ai personnellement rencontré Mohamedi Saïd, qui venait d'ailleurs de rejoindre le FIS, le Front Islamique du Salut. Non seulement l'ancien chef de la Vilaya 3 a reconnu avoir donné l'ordre d'exécuter tous les hommes de Mélouza, mais voici ce qu'il m'a ensuite déclaré. C'était des traîtres. C'était réellement des traîtres. Ils voulaient laisser l'Algérie à la France. Pendant qu'une autre partie de l'Algérie combattait pour leur liberté à eux, leur indépendance et leur dignité. C'était un devoir sacré à tout Algérien de faire la guerre aux traîtres, de lutter contre les traîtres. L'ennemi numéro un, c'était le traître. Ce n'était pas le soldat français venu après. C'était le traître numéro un qu'il fallait abattre. Il fallait d'abord que le sang du traître coule. Ah oui, le traître, c'est l'ennemi. Je vous dis, le traître, c'est pire que le soldat français. Alors j'en viens maintenant à la réaction du chef militaire du MNA. Belenis a été révulsé par le massacre de Melusa. Et il a été tellement horrifié qu'il va radicalement changer de position, quitte à décider de combattre désormais aux côtés de l'armée française contre les tueurs de l'ALN. Si, comme l'a dit M. X, le capitaine Combette a tout de suite compris que le massacre de Melusa pouvait être utilisé en termes de propagande anti-FLN, Alger, les choses entraînées, récit assez consternant, dans le troisième tome de la guerre d'Algérie d'Yves Courrière. Combette fit prévenir par radio le commandant Pascal qui, ce jour-là, se trouvait aux côtés du général Salan et de Robert Lacoste à l'inauguration de la base hélicoptère d'Ain Arnat, près de Sétif. Le commandant Pascal arrêta personnellement le cortège, attira Salan à l'écart et se fit embarrer. « Des histoires comme ça, dit le commandant en chef, on en a tous les jours. » Et il retourna à son inauguration. Prise d'armes, décoration sous les flashs des photographes et des actualités constituaient ce 30 mai 1957 les plus importantes préoccupations. Ni Lacoste, ni Gorlin, son chef du service de presse, ne furent alertés, alors qu'ils se trouvaient, avec une importante caravane de journalistes, sur une base d'hélicoptères à moins de 120 km de Melusa. Ce n'est que retour à Alger le soir du 31 que le gouvernement général et l'état-major se rendirent compte de l'importance réelle de l'événement. Et il était temps, parce que, ajoute Courrière, deux journalistes roulaient déjà en direction de Melusa. Comment se fait exactement le retournement de Mohamed Belenis ? Après l'échec de l'organisation du premier rendez-vous avec Combette, une rencontre clandestine est fixée au 31 mai 1957. Donc immédiatement, tout de suite après le massacre de Melusa. Et vous pouvez vous imaginer dans quel état d'esprit se trouve le chef militaire du MNA. Car parmi les morts de Melusa, il y a aussi des hommes à lui. C'est d'ailleurs lui qui a pris l'initiative de reprendre plus vite le contact. De façon assez curieuse d'ailleurs. Combette assistait alors à une conférence de presse à Melusa, au milieu des généraux, des magistrats et des journalistes, quand un soldat de Belenis s'est présenté à lui, en uniforme, cartouchière croisée sur la poitrine et un signe vert et blanc frappé du croissant. Mais c'est la marque des indépendantistes, et au beau milieu de tous ces soldats français. Oui, c'est assez incroyable. Et il a dit à Combette, le général Belenis t'attend tout près d'ici. Et c'est comme ça que tout a commencé. Tout simplement. Belenis, escorté d'une vingtaine de cavaliers, l'attendait en effet à moins de 2 kilomètres de Melusa. Vous avez dit général Belenis, enfin, c'est son éclaireur qui a dit ça. Hein. Général, oui. Autoproclamé, certes, mais de belle allure, grand, moustachu, sûr de lui, vêtu d'un uniforme impeccable. Ouais. Alors, que se sont dit les deux hommes, là ? Belenis n'a guère tergiversé. Il a d'emblée proposé une sorte d'alliance militaire contre la barbarie du FLN. Sans condition ? Ah, il n'a posé qu'une condition. Il voulait être assuré que jamais la France ne traiterait avec le FLN. Oui, mais le modeste capitaine Combette n'avait pas le droit de s'engager. Là. Bien entendu, il ne pouvait que transmettre à ses supérieurs. Et son rôle s'est arrêté là. Dorénavant, c'était les services spéciaux qui allaient prendre l'affaire en main. À ce stade, avant d'aller plus loin, est-ce que les Français pouvaient totalement accorder leur confiance à Belenis ? Bien sûr que non. Le dirigeant messaliste rusait peut-être, pour gagner du temps, alors que sa situation militaire devenait de plus en plus fragile face à un FLN qui ne cessait de gagner en puissance, ou encore pour recevoir de l'aide avant de reprendre le combat contre l'armée française. Il convenait donc d'être prudent. Alors. D'autant que dans les tracts qu'il a signés presque jusqu'à la fin de l'année 57, Belenis n'a apparemment pas rompu avec les objectifs messalistes, puisqu'il termine à chaque fois en écrivant « Vive le mouvement national algérien et vive Messali Hadj ». Ouais, enfin, ça, ce sont des écrits. Hein. Enfin, comment vont se passer les contacts avec les services secrets hein ? Il me faut d'abord vous dire qu'à Alger, il n'y a pas unanimité. Salan, par exemple, le patron de l'armée en Algérie, est partisan de la plus grande prudence. Salan, qui en Indochine, a pourtant recruté des sectes religieuses et même une ethnie entière, les Hmongs. Oui, mais depuis, il a été victime d'un attentat. Oui, ça, c'est l'affaire du bazooka. Il sait qu'il est dans la ligne de mire des ultras de l'Algérie française. En nouant une alliance avec un chef qui demeure malgré tout indépendantiste, il ne veut pas apparaître comme celui qui va brader l'Algérie. Mais il n'est pas opposé au fait d'utiliser ponctuellement Belounis dans des opérations anti-FLN. Une coopération tactique, donc. Mmh. Cependant, tout le monde, avez-vous dit, n'est pas sur cette ligne. C'est le cas en particulier des autorités civiles. Le préfet, en place à Alger, imagine déjà de réserver à Belounis une portion de territoire algérien où il sera libre d'agir. Et pourquoi pas l'inviter à Paris pour entamer des discussions politiques sur l'avenir de l'Algérie. Ouais, ça irait très loin, là. Mais à Alger, enfin, surtout sous la 4e République, ce sont les militaires qui commandent. Vous avez raison. Par conséquent, c'est le point de vue de Salan qui prévaut. Et c'est le début de l'opération Olivier. Olivier, pourquoi Olivier? C'est le nom de code qui a été attribué à Belounis. Tout est supervisé depuis Alger par le responsable du deuxième bureau. Un renseignement militaire. Hein. La liaison directe avec Belounis est assurée par le lieutenant de Marolle. C'est un jeune et brillant élément du service action du SDEC. Un officier qui a fait ses preuves en Indochine où il a retourné des combattants du Viet Minh. Et il a déjà été prévu que quelques douzaines de paras pourraient être affectés auprès de l'ANPA, l'armée de Belounis. Ouais, mais dans quel but, là? Pour la conseiller, la former. Ouais. Quand Marolle rencontre-t-il Belounis pour la première fois? Au début juillet 57. Et Marolle est assez impressionné. Par Belounis? Oui. L'officier français pensait qu'il aurait affaire à un simple meneur d'hommes, un soudard. Or, il se trouve soudain face à un politique qui lui tient un discours bien structuré. Alors, que dit-il en substance? Belounis soutient qu'en s'inféodant au communisme, le FLN fait fausse route. Par conséquent, pour la France, l'Occident et l'Algérie, il représente, lui, Belounis, la dernière chance d'éviter un désastre. Ça, c'est pour la théorie, mais pratiquement. Alors, que demande-t-il ou que propose-t-il? Pour réussir, il faut que son armée puisse disposer d'autant de moyens que la LN, la force armée du FLN. Donc il faut qu'on lui apporte une aide matérielle. Et d'abord en armes et munitions. Mais il voit aussi plus large. Son plan consiste à détruire l'appareil de renseignement et de liaison de l'adversaire implanté dans le sud algérien, afin d'isoler les wilayas FLN les unes des autres, tout en les séparant de l'armée des frontières basées en Tunisie et au Maroc. Ensuite, il faudra convaincre les chefs de ces wilayas de rompre avec le QG tunisien du FLN. Mais à terme, que veut Belounis? Il l'exprime sans détour au lieutenant Marolle. Son objectif final, c'est d'édifier une Algérie indépendante mais pro-occidentale. Oui, à la différence du FLN qui pencherait plutôt vers le bloc de l'Est. Hein. Mais sur le fond, Belounis est donc toujours indépendantiste. Et pour Marolle et les paras qui l'épaulent, c'est assez troublant. Parce que les hommes de Belounis ont le même drapeau que le FLN et ils chantent les mêmes hymnes. Ouais, bizarre. Mais comment se passent alors les premiers moments de cette collaboration? Belounis, je vous l'ai dit, reste politiquement fidèle au MNA, au moins jusqu'en novembre 1957. Tandis que sur le terrain, ses troupes récupèrent en quelques semaines le terrain perdu sur le FLN au cours des mois précédents. Mieux, il tend un piège à plusieurs chefs de la Wilaya 6, celle du Sud, et il liquide ceux qui ne veulent pas se rallier. Conséquence, l'effectif de son armée connaît une forte progression. Combien d'hommes? Au début de l'année 58, on estime qu'il rassemble entre 3 et 5000 hommes en armes. Par ailleurs, il peut compter sur une organisation politico-administrative de plusieurs milliers de militants. Ça veut dire concrètement que Belounis a élargi le territoire qu'il contrôle en plein cœur du dispositif FLN, dont par ailleurs, il a réussi à couper les lignes de communication. Donc, du point de vue des services français, ces débuts sont plutôt prometteurs. Certes, mais il y a quand même quelques points noirs. Pour lutter contre le FLN, il utilise trop souvent des moyens expéditifs. Oui, et ça, alors, ça choque les militaires français qui torturent ou incendient des Mechtab, pardonnez-moi, mais je trouve ça parfaitement hypocrite. Hein. D'accord, mais il y a aussi autre chose. Dans les zones qu'il conquiert sur le FLN, Belounis a tendance à substituer à l'administration française ses propres structures. Et ça va jusqu'à la collecte des impôts. Ah oui, alors ça passe mal. En effet, et on lui fait savoir fermement. Mais Belounis prend la mouche. Résultat, il reprend le maquis et ses hommes affrontent l'armée au cours de quelques escarmouches. Marolle, puis un représentant du ministre résident, un super préfet, tente de le ramener à la raison. Mm-hmm. Avec succès? Oui, mais Belounis n'est pas un interlocuteur facile. Enfin, en novembre, un accord intervient et Bellounis franchit un pas supplémentaire. Dans un communiqué, il annonce solennellement son ralliement à la France. Ouais. Mais à partir du moment où il était entré en guerre contre le FLN, pouvait-il en être autrement ? Cette évolution était en effet inéluctable. Et début décembre 1957, Bellounis va encore plus loin. Lors d'un discours radiodiffusé, il rompt avec le MNA et les messalistes et proclame que l'Algérie devra rester liée à la France. Alors, c'en est fini de ces velléités indépendantistes. Oui et non. Expliquez-moi cette réponse de Normande. Bellounis tient en fait un double langage. Et pour lui, cette ambiguïté qu'il entretenait à dessein ne pouvait que se terminer tragiquement. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Monsieur X a parlé d'ambiguïté à propos de la position de Bellounis. Aussi, je vous propose la lecture du communiqué signé Général Bellounis, diffusé le 29 novembre 1957. J'ai trouvé ce texte dans l'histoire intérieure du FLN de Gilbert Meynier. Extrait. Je déclare aujourd'hui solennellement que mon armée combat contre les forces anarchiques d'obédience étrangère représentées par le FLN pour affranchir les populations de ce pays de leur domination cruelle. Mon but est seulement de permettre à chacun de s'exprimer librement le jour prochain où l'anéantissement du FLN permettra au peuple d'Algérie de définir son destin dans un cadre harmonieux indissolublement lié à la France. J'ai entrepris cette lutte en étroite collaboration et amitié avec les autorités civiles et militaires de la France. Mon armée est engagée dans le combat commun contre les égorgeurs frontistes qui n'épargnent ni femmes, ni enfants, ni vieillards. À partir de ce jour, j'interdis toute imposition et toute réquisition. Malgré cette ambiguïté, ou peut-être même cette duplicité dont fait preuve Bellounis, les autorités françaises ont au moins deux raisons de se réjouir. D'abord, il a déclaré que le lien avec la France est indissoluble. Et ensuite, il a affirmé qu'il rompait avec le MNA. Et disons-le franchement, les Français pensent alors avoir remporté la partie. Et c'est aussi le sentiment de Bellounis lui-même. Et il croit avoir gagné. Oui, parce qu'il est persuadé que Paris vient de le reconnaître comme le seul et vrai interlocuteur algérien. Au fait, est-ce que Messali Hadj a réagi après ce qui apparaît quand même comme une trahison ? Eh bien non. Il se garde de commenter publiquement le reniement de l'homme auquel il avait pourtant confié la responsabilité de l'aile militaire de son mouvement. Et pourquoi alors, selon vous ? On peut imaginer que le vieux militant indépendantiste craint que le ralliement pur et simple de Bellounis aux Français ne discrédite le MNA tout entier. Ouais. D'autant que le MNA est constamment accusé par les dirigeants du FLN de faire le jeu de la France. Alors justement, comment réagit le FLN à la décision de Bellounis ? Politiquement, il considère que l'ancien chef messalis lui donne raison. Mais militairement, il lui faut riposter. Et il le fait de façon assez spectaculaire. Au début du mois de février 58, un groupe mixte de soldats de Bellounis et du 11e choc. Le 11e choc, là, c'est là où le SDEC recrute son service action. Hein, c'est ça. Donc ce groupe tombe dans une embuscade tendue par l'ALN dans le Djebel Tsenya. Les pertes sont très lourdes. Et ça provoque la colère de Bellounis qui s'irrite de voir ses hommes enrôlés dans la guerre que conduisent les Français. Que propose-t-il Ce cadre lui paraît trop étriqué. Et bientôt, il va montrer ce qu'il faut faire selon lui. En février et mars 58, il lance une manœuvre de grande ampleur, l'opération Nivose. Il conquiert rapidement de nouveaux territoires dans l'Atlas saharien, vers le Maroc et la Tunisie. En même temps, il intensifie son action vers les Aurès et poursuit l'implantation de ses réseaux clandestins, en petite Kabylie et jusque dans la plaine de la Mitidja. Tout près d'Alger, donc. Et cette avancée rapide inquiète le FLN qui voit la troupe de Bellounis grignoter peu à peu ses zones d'influence. Les chefs de l'ALN décide de conduire une offensive générale contre le traître, comme on l'appelle. 4 vilayas, sur un total de 6, sont mobilisés. En même temps, on met sur pied une unité spéciale afin d'éliminer Bellounis et son conseiller, le lieutenant de Marolles. cette Katiba, commandée par un ex-officier français passé au FLN, Ben Chérif, a failli aboutir. C'est-à-dire ? Bellounis et Marol échapperont de justesse à un attentat. Ça provoque une vive réaction de l'ancien chef messaliste. Sans en référer à ses mentors français du SDEC, il déclenche une contre-offensive. L'un de ses adjoints sort de la zone attribuée à l'armée de Bellounis, lance 500 maquisards contre le QG de Ben Chérif et le détruit. Ouais. C'est un succès, ça. Certes, mais les militaires français apprécient moyennement. Et pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas été préalablement informés ? Certainement. Mais surtout parce que cet adjoint a momentanément quitté la zone saharienne où il était censé sécuriser les installations pétrolières. Or, les Français comptent sur ces commandos du sud algérois, comme ils les appellent, pour protéger la route du pétrole et son exploitation. Alors, ces commandos sont donc considérés comme faisant partie du dispositif français. Et ils sont assimilés à des harkis. Est-ce que ce cas d'indiscipline là entraîne une rupture ? Non, mais à ce moment-là, on en est très proche. Toutefois, Bellounis s'est encore jugé trop précieux pour qu'on s'en sépare. L'armée française a besoin de lui pour fixer certaines unités de la LN afin d'agir plus librement dans ce que l'on a appelé la bataille des frontières. Ouais, c'est-à-dire le contrôle des frontières afin d'empêcher les combattants du FLN basés à l'extérieur de passer en Algérie. Hein. Quoi qu'il en soit, Marol, diplomate, réussit à convaincre les hommes de Bellounis de retourner dans les zones qui leur ont été attribuées. Mais incontestablement, le ver est dans le fruit. Et la confiance a été écornée. Et surtout, Bellounis, après avoir engrangé de nombreux succès, se trouve à la fin de l'hiver 58 dans une situation de plus en plus précaire. Et que s'est-il passé alors ? Il doit d'abord faire face à des dissensions internes. Certains de ses partisans restés attachés au messalisme supportent mal le reniement de leur chef et l'abandon des idéaux de leur dirigeant national historique, Messali Hadj. En même temps, on observe que les populations de certaines SAS acquises au MNA commencent à se plaindre de la présence un peu trop pesante des hommes de Bellounis, ne serait-ce que parce qu'ils continuent à vouloir collecter des impôts. En dépit des déclarations contraires de Bellounis, donc. Les tensions sont donc croissantes. Et ces populations demandent aux officiers des SAS concernés de les débarrasser de ces hommes de Bellounis. Autre sujet d'inquiétude pour ce dernier, le FLN a entrepris un noyautage systématique de ces structures. Comment les frontistes là, peuvent-ils procéder ? Ils jouent très habilement sur les liens claniques qui demeurent très importants dans les tribus algériennes. Sur le thème « Nous, Algériens, sommes tous frères ». C'est aussi un changement stratégique, car à Mélouza, les gens du FLN n'ont pas choisi de convaincre, hein, ils ont tué. C'est tout à fait vrai. En tout cas, ces manœuvres d'infiltration sont efficaces. Le FLN arrive ainsi à liquider un agent double, un certain Cobus, qui avait constitué un petit maquis au service du 11e choc, la force K. Puis, une nouvelle fois, c'est Bellounis, en personne, qui est ciblé. Toutefois, alerté par le chef de sa garde personnelle, il en réchappe. Persuadé d'avoir été trahi, il décide d'une purge sévère dans les rangs de son armée. Plusieurs hommes, peut-être même des dizaines, sont exécutés. Et ça ne contribue pas à renforcer l'unité et la détermination de ces hommes. Bien entendu. Mais ce ne sont pas les seuls soucis de Bellounis. Les clashs avec l'armée française sont de plus en plus fréquents. Et parfois, ils sont mortels. Mortels, exemple ? Au cours d'une opération contre un maquis de la LN, des hommes de Bellounis sont bombardés et tués par l'aviation française. Une bavure ? Chez Bellounis, on en doute. Si bien que ces hommes ont tiré sur l'hélicoptère à bord duquel avait pris place le lieutenant de Marol. Et pourtant, au sein de l'armée française, Marol est encore l'un des plus fermes soutiens de Bellounis. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, donc. Non, les militaires supportent de plus en plus mal l'alliance avec Bellounis, contrairement aux hommes du service action de Marol, qui lui restent fidèles. Mais comment expliquez-vous là, cette méfiance grandissante des militaires français à l'égard de Bellounis ? C'est que le contexte politique national a changé en Algérie. Le retour du général de Gaulle ? Oui. Le général doit ce retour aux ultras de l'Algérie française. Il a donc dû leur donner des gages. Et ces mêmes ultras ont fait pression sur l'état-major afin que soit lâché Bellounis. Ouais, parce qu'ils ne croyaient pas à la sincérité de son engagement auprès de la France. Et que pour eux, il était toujours suspecté d'indépendantisme. Et ce qui a vraiment scellé son destin s'est produit un tout petit peu plus tard. Bellounis s'est vu proposer un grade de général de brigade de l'armée française. Général de brigade. Et en échange, j'imagine qu'on lui a demandé un ralliement franc et massif, comme aurait dit le général. Exactement. Mais non sans grandeur, Bellounis a refusé. Il aurait même dit à son interlocuteur, en me le proposant, vous vous déconsidérez et moi aussi, si j'acceptais. Mais ça devait être une façon de le tester, non ? C'est ce que je pense. Et la suite est assez pitoyable et même horrible. Après un engagement meurtrier à Ksar el-Iran, entre des éléments bellounistes et l'armée française, pour la maîtrise d'une région contestée, Marolles, le seul militaire qui avait sa confiance et ses hommes du service action, ont quitté définitivement la zone. Miné par les règlements de comptes sanglants au sein de sa troupe, Bellounis s'est replié avec quelques fidèles. Il sait qu'il a perdu. Oui, même s'il ne sait pas encore qu'il a été donné ordre à l'armée de se débarrasser de lui. Oui, parce qu'on n'a plus besoin de Bellounis, c'est ça ? C'est bien la vérité. L'idée de la troisième voie est abandonnée, puisque de Gaulle l'a dit, l'Algérie doit rester française. Bellounis, lui-même, dans une sorte de folie meurtrière, fait assassiner plusieurs centaines de ses partisans qui voulaient l'abandonner. On retrouvera plus tard un charnier contenant 500 cadavres. Encore plus qu'à Mélouza. Enfin, le 14 juillet, lors d'une opération déclenchée 6 jours plus tôt par les Français, le chef de la NPA est liquidé au pied du Djebel Zemra. Et que devient le reste de ses troupes ? Une partie a rallié l'armée française et sont devenus des harkis. Et d'autres, les plus nombreux, ont rejoint le FLN, ou un autre maquis messaliste qui a fini par succomber face à ce même FLN. Mmh. À votre avis, avec Bellounis, là, a-t-on assisté à une occasion manquée ? Une occasion de faire la paix plus tôt et dans de meilleures conditions ? Oui. Bah, c'est ce qu'ont pensé les officiers français qui l'ont côtoyé. Mais il y avait aussi chez Bellounis un aspect donquichotesque. Et tenez, je suis à peu près sûr qu'il a d'abord été trahi par les siens. Les siens, les messalistes ? Oui. Parce qu'ils ont compris que l'aventure de Bellounis se traduirait aussi par la fin de leur propre parcours. Je vous recommande une nouvelle fois le livre de Jean Guinel, Roger Faligot et Rémi Koeffer, l'histoire politique des services secrets français, qui donne une très bonne relation de l'affaire Bellounis. Rebecca de Nantes a préparé ce programme qui a été réalisé par Michel Biou et mis en musique par Monsieur Djoub. Et tout de suite après le flash, c'est au de mon amour de Denis Chessou.